Et quand moi j'étais né, longtemps passé, avec des grands cheveux noirs, des yeux marrons comme des circles. Et quand moi j'étais né, longtemps passé, moi j'étais la chère jolie petite fille à mon papa. Pas du tout, ça lui il avait besoin. Mon cher papa, c'était un pauvre récoltier. Et si mon papa aurait désiré un petit garçon, moi je ne saurais jamais attendu cela monter. Moi et mon papa et mon cher petit frère, on l'a fait la chasse et on l'a pêché. On l'a pêché au long du bayou Vermillon pour faire une vie, la vie des pauvres malheureux. Moi je suis plus mon papa au long du bayou Vermillon. Moi je suis mon vieux chien spé qu'on traverse de Cherokee. En travers des annonces, en travers des marais, pour faire une vie, la vie d'un pauvre malheureux.